franceinter.fr. Un seul des 66 résidents a pu sortir pour une consultation médicale prévue de longue date. Le confinement devrait durer jusqu'au 1er janvier. 13 régions de France sont maintenant touchées par cette épidémie de grippe. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'opération de libération des otages israéliens à Entebbe, en Ouganda, dans la nuit du 3 au 4 juillet 1976. Spectaculaire, c'est le mot qui revient le plus souvent dans les articles de presse pour définir le raid d'Entebbe. Une action commando réalisée dans des conditions jamais vues, en effet, dont le scénario, digne d'une fiction, inspirera par la suite les scénaristes d'Hollywood. 4 ans seulement après la tragédie des JO de Munich, un avion de ligne français avec 246 passagers à son bord, dont une grande majorité d'Israéliens, est détourné et se pose après une course folle en Afrique. Pendant une semaine, négociateurs et diplomates travaillent d'arrache-pied pour trouver une sortie de crise. Pendant une semaine, Israël fait semblant d'accepter, pour la première fois, le chantage des terroristes. Pendant une semaine enfin, on croit que les mots et la parole viendront à bout de ce bras de fer, mais c'est avec les armes que va se résoudre, en pleine nuit, cet acte de piraterie. Victoire face au terrorisme international pour les uns, coup de force irréfléchi pour les autres, l'affaire du raid d'Entebbe va continuer pendant des années d'alimenter la polémique. Pour revenir avec nous sur cette affaire et plus généralement sur ce contexte très particulier des années 70 et de l'instabilité chronique du Proche-Orient, nous recevrons en seconde partie d'émission Gérard Chalian, spécialiste des questions de relations internationales et de géostratégie. Il est l'auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages de référence sur la géopolitique, dont le dernier, intitulé « Pourquoi perd-on la guerre ?», a été publié au mois de mars dernier aux éditions Odile Jacob. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Léa Dupouy-Henquin, Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, lecture Aurélien Labruyère et Philippe Pierrard, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Michel Bézikian. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Dimanche 27 juin 1976, aéroport d'Athènes, il est 11h30. Ce matin-là, le soleil arrose les pistes. Dans le terminal passager, la chaleur est déjà insupportable. Au milieu des comptoirs d'enregistrement, dans un cliquetis mécanique caractéristique, le grand tableau noir d'affichage annonce les vols en partance et leurs portes d'embarquement. Premier de la liste, le vol Air France 139 à destination de Paris. À l'extérieur, sur le tarmac, l'appareil, un Airbus A300 de couleur blanche, s'apprête à embarquer ses passagers. Flambant neuf, on reconnaît facilement cet avion à sa zébrure bleue sur la dérive. Parti de Tel Aviv en Israël, tôt dans la matinée, il fait escale dans sa liaison vers la France. Dans le cockpit, le commandant Michel Bakos prépare avec son copilote la suite du plan de vol pour rejoindre l'aéroport d'Orly. Ce matin, l'ambiance est un peu particulière à Athènes. Une grève éclair touche le personnel au sol. Conséquence, il y a du retard et les contrôles d'identité et de bagages sont réduits à leur strict minimum. Personne ne prête donc attention à 4 jeunes passagers, 3 hommes et une femme, qui se tiennent à l'écart de la file d'embarquement. Détail intrigant, tous les 4 arrivent de Bahreïn et ont dans les mains de grands sacs remplis de bonbons. Eux aussi attendent pour embarquer dans l'avion pour Paris. À midi, avec 1 heure de retard, l'Airbus d'Air France redécolle enfin d'Athènes avec 246 passagers à son bord. Le commandant Michel Bakos fait grimper l'avion pour atteindre son altitude de croisière et la ligne sur un cap nord-nord-ouest. Une demi-heure plus tard, alors que l'appareil sort de l'espace aérien grec, le contact radio avec l'équipage est brutalement rompu. Puis l'avion disparaît subitement des écrans radars. Mais le bouton d'alarme en cas de détournement n'a pas été activé. Alors, simple ennui technique. À Paris, au siège d'Air France, après 1 heure sans nouvelles, on alerte, comme le veut la procédure, la cellule de crise du Quai d'Orsay. Les heures passent, quand enfin, vers 15h, un fax de l'ambassadeur de France en Libye signale que l'avion vient de se poser à l'aéroport de Benghazi, dans le nord du pays. Dans son message, l'ambassadeur affirme que les autorités libyennes ont déployé sur le tarmac un contingent de militaires pour encadrer l'appareil et que celui-ci serait aux mains d'un groupe de pirates de l'air. D'après le témoignage d'une passagère britannique qui a faim d'être enceinte pour être débarquée de l'avion, le commando se composerait de 4 individus, 3 hommes et une femme, tous âgés d'une trentaine d'années. Autre particularité, l'ex-otage affirme qu'il parle espagnol et qu'il tient de grands sacs de bonbons desquels ils ont sorti des armes à feu et des grenades. À 22h, après avoir été ravitaillé en vivres et en kérosène, l'Airbus d'Air France redécolle de Benghazi pour une destination inconnue. Pendant près de 5h, le silence radio s'installe de nouveau avec l'avion. Il faut attendre le milieu de la nuit pour que l'appareil réapparaisse sur les écrans radars. Il se trouve à 2700 km plus au sud, au-dessus de la ville de Khartoum, au Soudan. Après avoir tenté de s'y poser, il continue sa course folle vers le sud du continent africain. Chez Air France, l'inquiétude redouble, car l'Airbus sera bientôt à court de carburant. De leur côté, les fonctionnaires du Quai d'Orsay alertent tous les postes consulaires et les ambassades de la région. Les heures passent, et toujours aucun signe de l'avion. Ce n'est qu'à 3h40 du matin qu'un responsable de la compagnie aérienne confirme au téléphone sur France Inter que l'avion se serait bel et bien posé à Kampala, en Ouganda. Tout ce que je peux vous confirmer, c'est que notre avion a bien atterri à Kampala, enfin plus exactement à Entebbe tout à l'heure. Oui. À 1h25 GMT, c'est-à-dire 3h25 heure de Paris. Est-ce que vous êtes en contact avec l'appareil ? Nous savons que l'ambassadeur de France à Kampala a immédiatement pris la route pour se rendre sur place, mais nous ne savons absolument pas s'il y a négociation, de quoi il s'agit. Il va certainement se passer quelque chose à Entebbe. Est-ce qu'il y aura un contact avec les autorités du pays ? Est-ce qu'il y aura simplement ravitaillement pour aller plus ravitaillement en essence et en vivres pour les passagers pour aller plus loin ? Est-ce que je sais pas du tout, vous comprenez ? Le lendemain matin, lundi 28 juin, une pluie fine s'abat sur Kampala, la capitale de l'Ouganda. Nous sommes ici en plein cœur de l'Afrique centrale, entre le Rwanda et le Kenya, à plus de 6000 km de Paris. En périphérie de la ville, sur le bord du lac Victoria, l'aérodrome d'Entebbe est bouclé par un impressionnant dispositif de l'armée ougandaise. Au loin, derrière le grillage et la végétation, on aperçoit la dérive blanche et bleue de l'Airbus A300 d'Air France, immobilisé là, en bout de piste. À bord de sa voiture diplomatique, l'ambassadeur de France, Pierre Renard, se rend sur place. Dans la nuit, le Quai d'Orsay lui a faxé tous les éléments nécessaires pour négocier avec les pirates de l'air. La France entend récupérer son avion et ses ressortissants. Mais en Ouganda, en 1976, un seul homme décide. The life president of the Republic, His Excellency the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Dr. Idi Amin Dada, will now present the nation's highest award. Despote autocrate dans la lignée des dictateurs africains de son époque, et certains d'aujourd'hui d'ailleurs, Idi Amin Dada, autoproclamé maréchal, règne sur l'Ouganda depuis 5 ans. L'homme est connu pour être paranoïaque, impulsif et particulièrement instable. Dans la presse occidentale, de nombreuses rumeurs courent à son sujet. Il jetterait ses ennemis en pâture aux crocodiles et serait même cannibale. Malgré ce portrait psychologique inquiétant, c'est lui qui prend en main les négociations entre les pirates de l'air et les émissaires français et israéliens. Plus tard dans la journée, sur les ondes de Radio Ouganda, les terroristes font une première déclaration. Ils affirment appartenir au Front Populaire de Libération de la Palestine, le FPLP, un mouvement considéré comme terroriste, à l'origine des premiers détournements d'avions et dirigé par un certain Georges Abbas. Les 4 individus déclarent être armés de grenades, de pistolets et menacent d'exécuter les otages si l'armée ougandaise s'approche à moins de 50 mètres d'eux. Ils terminent leur message en attaquant violemment la France, un pays qu'ils accusent d'avoir toujours été l'ennemi des Arabes, de Charlemagne, je cite, jusqu'à Giscard. Les terroristes ne disent rien, en revanche, de leurs revendications. Seule certitude, les 245 passagers et les 12 membres d'équipage vont bien, comme le confirme le correspondant de l'AFP sur place à Kampala, Pierre Cross. Sur l'aéroport d'Entebbe, l'attente des otages et de l'équipage de l'Airbus d'Air France continue, mais dans des conditions de confort très acceptables. À la différence de bien d'autres détournements d'avions antérieurs, les passagers n'ont pas été obligés de rester à bord d'un avion surchauffé, sans eau, sans provisions, mais ils ont été autorisés à débarquer. Alors, ils sont installés dans l'ancienne aérogare de l'aéroport international d'Entebbe, et les Ougandais ont servi à tous les passagers et aux membres d'équipage un petit déjeuner, et puis ensuite un déjeuner. Ils sont bien soignés, bien traités, mais on n'a aucune indication sur la durée de leur attente. Et pendant que l'appareil est immobilisé au bout d'une piste inutilisée face au lac Victoria, les passagers sont toujours sous la garde des membres du commando armés jusqu'aux dents qui sont prêts à les utiliser comme otages. Il faut attendre le lendemain, mardi 29 juin, pour que le commando dévoile ses revendications. Par un nouveau message lu à la radio ougandaise, il demande la libération de 53 combattants emprisonnés en France, en Allemagne fédérale, en Suisse et en Israël. Sinon, il tuera tous les passagers. L'ultimatum est fixé dans 2 jours, jeudi 1er juillet à 14h. Au même moment, en Israël, c'est la consternation. Une grande partie des otages serait d'origine israélienne. Le Premier ministre, Yitzhak Rabin, convoque en urgence son conseil restreint de défense. Dans la salle de réunion, accrochée au mur, trône une énorme carte du monde sur laquelle le chef du Mossad a placé un point rouge pour désigner Kampala. Apparaît alors aux yeux des responsables israéliens toute la complexité de ce dossier. Car à l'exception du Kenya, il n'y a sur le chemin qui mène en Ouganda que des ennemis d'Israël. Les terroristes possèdent donc un net avantage et les Israéliens sont au pied du mur. Alors, que faire? Négocier? Depuis Jérusalem, le correspondant de France Inter, Henri Bainvol, rappelle que la politique de l'État hébreu à ce sujet n'a jamais dévié. La politique israélienne a toujours été de ne pas céder au chantage. Chaque fois qu'il y a eu prise d'otage par un commando palestinien, que ce soit en Israël comme à Mahalot ou à l'étranger, le gouvernement de Jérusalem a toujours refusé de relâcher des prisonniers palestiniens. Il n'y a eu qu'une seule exception en 1968, lors d'un détournement d'un appareil d'El Al sur Alger. Environ 70 ressortissants israéliens se trouvent à bord de l'Airbus stationné à Entebbe. L'angoisse qui règne ici depuis 2 jours va donc à présent redoubler d'intensité et une des questions que l'on se pose concerne évidemment l'attitude de la France. La France a promis à Israël de ne faire aucune distinction entre les nationalités des passagers et d'œuvrer pour la libération de l'ensemble des otages. C'est pour le moment l'inconnu, au même titre que reste inconnu pour le moment, la réaction d'Israël aux revendications du commando palestinien. À la sortie de la réunion de crise, le ministre israélien de la Défense, Shimon Peres, joue son va-tout. Il demande au colonel Barlev, ancien officier formateur de Tsahal, l'armée israélienne, de prendre contact avec Emin Dada et de l'informer que l'État hébreu accepte de négocier. Mais oui. Certes, à cette période, les relations diplomatiques entre Jérusalem et Kampala sont tendues. Mais par le passé, elles furent excellentes. L'histoire oublie, mais ce sont les Israéliens qui ont formé militairement et soutenu matériellement Emin Dada. Une aide précieuse qui a permis au maréchal ougandais de prendre le pouvoir. Les Israéliens entendent donc jouer le rapprochement. Mais pour gagner du temps, car en réalité, derrière la solution diplomatique, l'État hébreu penche déjà pour une solution d'un tout autre genre, militaire. Mercredi 30 juin, voilà 3 jours que le vol d'Air France 139 a été détourné. Sur place à Kampala, la situation est toujours très tendue. En ce début de journée, loin des caméras de télé, un nouveau drame se joue sur l'aérodrome d'Entebbe. Dans une scène qui rappelle les heures les plus noires du régime nazi, les pirates de l'air séparent leurs otages. D'un côté les juifs qu'ils emmènent vers un endroit inconnu, de l'autre le reste des otages à qui le maréchal Amin Dada annonce qu'ils sont libérés grâce à lui, élément sur lequel il insiste lourdement. Des soldats les escortent jusqu'à un avion d'Air France arrivé quelques heures plus tôt. Ils sont 47 à embarquer. De leur côté, le commandant Michel Bakos et l'équipage de l'Airbus détourné refusent de partir et d'abandonner à leur sort le reste des passagers. En début de soirée, ce mercredi 30 juin, l'avion transportant les otages libérés se pose à l'aéroport d'Orly. Sous l'œil des caméras de télé, leur famille les accueille. Au milieu de cette foule, l'un des ex-otages raconte. Il va paraître un jeune, deux types et une femme avec des grenades, une grenade dans la main et un revolver dans l'autre. Et là, on a compris. On a eu peur parce que la fille avait dégoupillé sa grenade et dans la bousculade elle aurait pu trébucher, alors là c'était terminé. Mais non, autrement, ils avaient beaucoup d'armes et d'explosifs, il y a des boîtes de bonbons qui étaient grosses comme ça, remplies de TNT. Alors, comment pensez-vous qu'ils ont pu entrer à l'aéroport d'Athènes et monter à bord du Boeing avec cet armement? Enfin, moi-même, je suis monté à Athènes et je ne trouve pas qu'il y ait eu de contrôle très sévère. Maintenant que l'appareil est posé à Kampala et qu'il reste des otages là-bas, quelle est l'ambiance sur place? L'ambiance est... C'est pénible parce qu'ils ont séparé les Israéliens des Français. Et là, il reste encore des enfants et des gens malades et tout du côté israélien. Et le départ a été très pénible. Sur place, les 47 ex-otages sont débriefés par les agents français du SDES. Tous les comptes rendus sont ensuite transmis à l'ambassadeur d'Israël en France, qui les faxe à son tour au bureau du Mossad à Tel Aviv. Grâce à ces précieux témoignages, Israéliens et Français peuvent désormais établir l'identité, l'armement des pirates de l'air. Le commando initial, celui qui a détourné l'avion, se compose de 4 individus. Le premier, qui semble être leur chef, s'appelle Wilfried Bose, bras droit du terroriste Carlos. Il appartient à la fraction Armée Rouge, un mouvement allemand d'extrême-gauche responsable d'un climat de grande violence outre-Rhin. Le second est une femme. Il s'agit de Gabriel Tiedemann, membre du même mouvement. Les deux individus sont notoirement connus pour leur participation aux différentes opérations d'exécution et de prise d'otages. Quant aux deux autres personnages qui les accompagnent, il s'agit d'Ali Mihari et de Fayez Jaber, tous deux connus pour leur appartenance au FPLP. Mais ce n'est pas tout. Les otages révèlent aussi les coulisses du drame d'Entebbe. Sur place, en effet, d'autres hommes du FPLP auraient rejoint les pirates de l'air. Et de son côté, l'armée ougandaise collaborerait avec les terroristes. Les services de renseignement occidentaux, qui soupçonnaient déjà le maréchal Amin Dada, en sont certains, les Ougandais jouent un double jeu. Pour les Israéliens, cela renforce leur idée qu'il faut agir vite, avant que la situation ne dégénère. Samedi 3 juillet 1976, il est 23h. L'ultimatum pour la libération des prisonniers palestiniens expire le lendemain à midi. Au Quai d'Orsay, la cellule de crise reste en état d'alerte. Sur place, à Kampala, l'ambassadeur de France, Pierre Renard, continue d'alimenter les pourparlers et assure que la France fait tout son possible pour répondre aux demandes des pirates de l'air. À la télévision israélienne, le ministre des Transports annonce, lui, que les prisonniers réclamés par le preneur d'otages sont arrivés à l'aéroport de Tel Aviv et sont désormais en attente d'être transportés vers l'Ouganda. Tout porte alors à croire qu'Israël a cédé et qu'un échange va bien avoir lieu. Personne n'imagine la tournure que vont prendre les événements. Quelques heures plus tard, en pleine nuit, le ministre français des Affaires étrangères, Jean Savagnargues, est réveillé par un inquiétant message de l'ambassadeur français Pierre Renard à Kampala. L'aérodrome d'Entebbe vient d'être la cible d'un commando non identifié. Des tirs d'armes automatiques et des explosions ont retenti pendant près d'une heure. Toutes les routes qui mènent à l'aérodrome sont bouclées par l'armée ougandaise. Plusieurs avions se sont posés et ont redécollé par la suite. Les autorités ougandaises se refusent à tout commentaire. Quelle attitude devons-nous adopter? Au Quai d'Orsay, personne n'a d'explication. Que se passe-t-il à Entebbe? Seule certitude, les Américains sont furieux. Leur secrétaire d'État, Henry Kissinger, aurait appelé l'ambassadeur des États-Unis à Paris pour lui demander si les Français étaient au courant. À l'Élysée, le président Valéry Giscard d'Estaing reçoit un message du premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Celui-ci explique qu'une opération aéroportée des commandos de l'armée israélienne vient de se terminer. Présent sur place au Kenya, un agent d'Air France confirme que les appareils militaires israéliens en provenance d'Entebbe ont bel et bien fait escale dans la nuit sur l'aéroport de la capitale Nairobi. Les avions israéliens sont arrivés à 3h20 du matin et on sera parti à 4h de l'aéroport de Nairobi. Ils étaient 4, des Hercules, et ils ont débarqué 3 passagers blessés sur civière qui ont été immédiatement opérés sur l'aéroport de Nairobi. L'opération en tout a duré environ 45 à 50 minutes et les avions sont repartis de suite sur Tel Aviv. L'opération a apparemment s'est donc déroulée avec l'accord des autorités de Nairobi. Apparemment, oui. Ce qu'on a pu en juger sur la base, oui. Puisque c'était gardé par les troupes kenyanes ici à Nairobi. Alors, il faut croire qu'ils avaient leur accord, effectivement. Des échanges de coups de feu, des avions de transport militaire israéliens avec des blessés à leur bord, qui se posent en catastrophe à Nairobi. Mais que se passe-t-il à Entebbe? Qu'en est-il surtout des 208 otages et 12 membres d'équipage d'Air France? Les informations arrivent au compte-gouttes. Parmi les diplomates, journalistes et responsables politiques, personne n'imagine alors que c'est une opération secrète israélienne baptisée Tonnerre qui vient de se dérouler en Ouganda. Radio France, vous écoutez France Inter, le journal Jacques Chabot. Bonjour. Raid éclair israélien en Ouganda. Un commando israélien venu à bord de trois gros avions libère les otages et l'équipage de l'Airbus d'Air France et les ramène en Israël où ils doivent arriver tout à l'heure à 9h. C'est donc une véritable mission impossible qui a été réussie cette nuit par les commandos israéliens. Vous le savez sans doute depuis ce matin, un raid sans précédent a été tenté par les forces israéliennes sur l'aéroport d'Entebbe en Ouganda. Cette opération d'une audace presque incroyable a semble-t-il été menée de bout en bout par les seuls Israéliens, sans aucune consultation des autres gouvernements intéressés, par exemple le gouvernement français. Le climat en Israël aujourd'hui, c'est cette phrase prononcée par un commentateur de la télévision, la fête, la joie dans le pays est plus grande certainement que le jour qui a marqué la victoire de la guerre des six jours. Le président ougandais Idi Amin Dada a demandé la convocation immédiate du Conseil de sécurité des Nations Unies après l'opération du commando israélien sur l'aéroport d'Entebbe. Un coup de va-et-vient, c'est ainsi que toutes les unités actions des services de renseignement baptisent des opérations analogues à celles des Israéliens à Entebbe. Les commandos arrivent et repartent par le même moyen après avoir agi en force et récupéré les otages. Spectaculaire à plus d'un titre, ce genre d'intervention demande une minutieuse préparation et un secret absolu, on l'imagine. Dans le cas d'Entebbe, malgré des délais de préparation extrêmement courts, on parle ici 3 jours, les Israéliens n'ont rien laissé au hasard. C'est un coup extrêmement professionnel et c'est ce qui explique leur brillant succès. Dès le début de la prise d'otage, une semaine plus tôt, Yitzhak Rabin n'a pas exclu d'intervention armée. Le véritable déclic intervient le mercredi lors de la libération d'une partie des passagers. À ce moment-là, les responsables israéliens comprennent, grâce aux témoignages des ex-otages, que les militaires ougandais sont de mèche avec les pirates de l'air du FPLP. Alors, décision est prise de gagner du temps et de préparer une opération spéciale sur place, à Kampala. Dame Shomron, le chef des commandos israéliens, s'en charge. Des années plus tard, il raconte. Dans un premier temps, nous avons réuni les différents chefs de services de renseignement autour d'une même table pour recouper toutes les informations dont nous disposions. Nous avons alors découvert avec stupéfaction que le terminal passager à Entebbe avait été construit par une société israélienne. Nous avions donc les plans à notre disposition. Autre élément qui nous donnait un certain avantage, les témoignages fournis par les otages français libérés. Nous savions où était retenu le reste des passagers et où se situaient les postes de garde autour du terminal. Pour mettre toutes les chances de notre côté, nous avons envoyé une équipe d'agents du Mossad sur place. Ils ont pris une centaine de photographies au sol et dans les airs. Nous les avons ensuite étudiées et nous avons reproduit le terminal à taille réelle dans un grand hangar de l'aéroport de Tel Aviv. Pendant 48 heures, la centaine d'hommes appartenant au commando israélien répètent inlassablement et méticuleusement leur opération autour et sur cette structure d'entraînement. Une partie d'entre eux est chargée du sabotage des avions de chasse ougandais, une autre à la mission de couvrir la retraite des commandos lors de la récupération des otages, et le dernier groupe, lui, doit donner l'assaut. Ça paraît simple comme ça. Tous seront déposés en pleine nuit en bout de piste de l'aéroport d'Entebbe par des appareils militaires Hercule. Pour s'approcher au plus près de l'aérogare, sans éveiller les soupçons, les commandos embarquent dans des avions et de Mercedes limousines noires et deux Land Rover, des véhicules identiques au convoi présidentiel d'Abin Dada. Le samedi 3 juillet au matin, le Premier ministre Yitzhak Rabin valide l'opération. En milieu de journée, les quatre avions Hercule décollent de Tel Aviv, destination Kampala, en Ouganda. Après 8 heures de vol, les appareils se posent dans la nuit noire d'Afrique en bout de piste de l'aérodrome d'Entebbe. Et l'opération commence. Les commandos israéliens montent à bord de leur véhicule et foncent sur l'aérogare. Puis, ils investissent le terminal de l'aéroport et crient en hébreu « Couchez-vous à terre !» Alors, une fusillade éclate. La suite, c'est l'un des otages présents dans l'aérogare qui la raconte. Il est 11h15, samedi soir, quand commence l'attaque. Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? On était dans le matelas, enfin, moi je dormais presque, vraiment. On a entendu quelques coups de mitraillette et explosions. Alors là, moi je me suis un petit peu levée, et j'ai vu un des terroristes, il nous a dit « restez calme, ne bougez pas ». Et puis, enfin, il était très nerveux, puis on l'a plus vu après. Et là, ça c'est devenu violent, on a entendu des coups de partout, des bombardements, des... Alors là, les gens se sont de suite affolés, ils se sont tous réfugiés au fond. Moi, j'étais tellement terrorisée que j'ai préféré rester sous la couverture. Je n'ai pas regardé ce qui se passait, rien que j'attendais une balle siffler de tous les côtés, j'ai dit j'en recevrais bien une. Je pensais que ça allait être la fin. Et j'ai attendu que ça se calme pour me lever et rejoindre les autres. Et alors là, on a renversé toutes les chaises, on s'est caché, on a rampé partout. Et on a vu quand même que la situation était dominée par les Israéliens. Comment est-ce que vous êtes aperçu que c'était les Israéliens tout de suite? Moi justement au début je ne savais pas qui c'était. J'ai vu des soldats, je me suis dit ça y est, il y a une mauvaise nouvelle, ils vont venir tous nous tuer. J'ai vu des soldats de tous les côtés. C'est là que je suis rentrée, j'ai dit je ne veux pas savoir. Mais après, quand ça s'est calmé, j'ai vu qu'ils parlaient, je me suis dit, j'ai compris que c'était quand même les Israéliens. Petit à petit, ils ont fait sortir les gens avec des lampes et puis nous ont emmenés aux avions qui n'étaient pas tellement loin. 90 minutes plus tard, tous les terroristes et les militaires ougandais sont morts. Oui, tous. Côté israélien, des soldats sont blessés. Et leur chef, Yoni Netanyahou, le frère aîné de Benjamin Netanyahou, l'actuel premier ministre d'Israël, meurt d'une balle tirée par un sniper depuis la tour de contrôle. Puis les avions Hercule se rapprochent de l'aérogare. Les 200 otages sont conduits à bord. Un seul passager manque à l'appel, une vieille dame du nom de Dora Block, emmenée plutôt à l'hôpital de Kampala. Elle y sera assassinée par les hommes d'Amin Dada. Pendant que les premiers avions israéliens décollent, le dernier commando piège à tour de contrôle les avions MiG de la chasse ougandaise pour éviter une riposte aérienne. 8 heures de vol et une escale à Nairobi plus tard, les 4 avions avec à leur bord otages et commandos sont de retour à Tel Aviv. Sur France Inter, le président d'Air France, Bernard Pérol, donne les premières informations sur le bilan humain de cette opération. Les otages ont été ramenés à l'aéroport de Tel Aviv. Parmi ces otages, notamment, il y a notre équipage, qui est sain et sauf, d'après toutes les informations que nous avons, alors que par contre, il y aurait 2 morts et 2 blessés parmi les passagers. Les passagers tués, il y a un Français et un Israélien. Et les passagers blessés, 2 Israéliens. Aussi bien les passagers que l'équipage seront à Paris dans la soirée. Le dimanche 4 juillet 1976, Israël triomphe. La population descend dans la rue et dans tout le pays pour partager la victoire de l'État hébreu sur le terrorisme. Pour certains commentateurs de radio et de télé, la joie qui règne semble plus grande que lors de la victoire de la guerre des six jours. Sur le plan militaire, l'opération israélienne, spectaculaire à plus d'un titre, prouve la puissance de sa force d'intervention. Sur le plan moral, elle a une résonance particulière. Après sa victoire dans la guerre du Kippour, le pays prouve à ses propres citoyens qu'il n'abandonne jamais son combat, ni ses ressortissants. De son côté, le ministre israélien de la Défense, Shimon Peres, réaffirme que dans cette affaire, la fin justifie les moyens. Je pense que c'est la seule voie de faire la guerre contre les terroristes. Je suis sûr que nous pouvons arriver vers une victoire contre cette terrible mission. En France, si le président Giscard d'Estaing affirme être satisfait par la libération des otages, on se garde bien d'afficher le même enthousiasme. En effet, pour Paris, l'opération des commandos israéliens a beau être une réussite, elle n'en demeure pas moins camouflée pour la diplomatie française, prise de vitesse, prise d'efficacité. Les responsables français sont d'autant plus préoccupés que ce genre d'action par la force est de nature à susciter contre Israël et les pays occidentaux un vif ressentiment dans un nombre de pays arabes et de façon générale dans le tiers-monde. À cela s'ajoute aussi, bien sûr, la crainte d'une vengeance. Au-delà des aspects français et israéliens, cette affaire d'Entebbe est aussi une terrible déconvenue pour le maître de l'Ouganda, Amin Dada. Le maréchal, qui misait sur cette affaire pour accroître sa stature internationale, se retrouve dans le camp des perdants, humilié, sur son propre territoire. Alors, dans un baroud d'honneur pathétique, il tente d'obtenir gain de cause devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et surtout, dans un élan de vulgarité et de bassesse absolue, il demande à la France une indemnisation pour tous les plateaux repas servis aux otages. Sans succès, heureusement. Pour de nombreux experts, cet épisode marque le début de sa chute. Dans le Nouvel Observateur du 12 juillet 1976, le journaliste et fondateur de l'agence Kappa, Hervé Chabalier, résume le prix de cet exploit en quelques lignes. Il écrit « Quand l'Occident développé applaudit, l'Afrique se réveille, humiliée. Israël a obtenu une victoire psychologique magistrale, sur le court terme. Une victoire qui risque, paradoxalement, de sonner comme une défaite géostratégique sur le long terme. » Leblanc, poursuit Hervé Chavalier, a donné une gifle au tiers-monde. Cette gifle portera-t-elle un coup d'arrêt aux prises d'otages internationales? Les optimistes le pensent. Les pessimistes, eux, craignent que la prochaine fois, les pirates de l'air, instruits par l'expérience d'Entebbe, ne soient au contraire plus rapides et radicaux. L'histoire va lui donner raison, parce que la raison ne gouverne pas les hommes, et encore moins les terroristes. Mais le raid réussi par les Israéliens reste une leçon donnée à la face du monde. Israël, seule démocratie dans un océan de régime autoritaire, aura maté ce jour-là une bande de malfaiteurs qui n'entendent rien à toute notion de démocratie et aura humilié un dictateur fourbe et assassin dont l'Ouganda sera débarrassé 3 ans plus tard. It's a crying shame. We have built a foolish world, busy fighting, cruelly lying and denying. My ghosts are not gone. you can feel my heart. Now you can feel my heart spinning. You turn my whole life around. I want to write a new beginning. Let go of the ghosts. Let dreams and hopes fly. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le RAID sur Rantébé avec notre invité Gérard Chalian. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de relations internationales et de géostratégie. Vous êtes l'auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages, certains de référence d'ailleurs, sur la géopolitique, dont le dernier intitulé « Pourquoi perd-on la guerre ?» a été publié au mois de mars dernier aux éditions Odile Jacob. Je voudrais commencer pour une fois par la fin. Ce que disait Hervé Chabalier à l'époque était quand même assez visionnaire, puisqu'il se posait la question qu'on se pose dès cette époque. D'ailleurs, est-ce qu'il s'agit pour vous d'une victoire face au terrorisme ou d'un coup de force irréfléchi, ce raid sur Entebbe? Non, pour moi, ce n'est pas un coup de force irréfléchi, c'est un coup de force remarquablement préparé et qui a réussi, ce qui n'est pas un détail. Ceci dit, dans la dialectique entre le terrorisme et les États, il n'y a pas moyen d'arrêter ce rapport du faible au fort, puisqu'en fin de compte, c'est une des rares armes qu'ils détiennent, donc ils vont continuer à l'utiliser comme on le constate aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, avec d'autres moyens, les détournements d'avions ne sont plus le mode opératoire numéro un des terroristes, c'est autre chose maintenant. Cette piraterie aérienne, elle a vraiment pour cadre les années 80 aussi, mais beaucoup des années 70. Comment elle naît, cette piraterie aérienne? Elle est née en 1968, avec le fameux Front Populaire de Libération de la Palestine de Georges Habache. Qu'est-ce qu'il a provoqué? Parce que je dirais que ce qu'il a provoqué, en fin de compte, c'est que toutes les opérations de commando qui ont été menées à partir de 1967 pour essayer de franchir le Jourdain et d'implanter une guérilla en territoire occupés dans la Cisjordanie, se sont soldés par des échecs. Alors comment transporter le problème ailleurs? Comment faire que, pour les Occidentaux, ce problème qui était essentiellement, j'entends le problème palestinien, un problème de réfugiés, il faut le transformer en un problème national? Eh bien, il faut faire du terrorisme publicitaire qui fait que, par un coup extrêmement audacieux, comme le détournement de 68 entre Athènes et le Caire, fait que toutes les télés, tous les journaux, ils vont avoir la une, et d'un seul coup, on va s'apercevoir que le problème palestinien, ce n'est pas qu'un problème de réfugiés, c'est une demande, en quelque sorte, d'une question nationale. Alors, c'est un très beau coup en terrorisme publicitaire, mais et comment passer du terrorisme publicitaire à quelque chose de plus concret, c'est-à-dire comment faire que vous mettez votre adversaire devant devant le fait de devoir faire quelque chose pour résoudre le problème? Les Palestiniens n'y sont en fait jamais arrivés. Il a fallu attendre 1987 avec la première intifada pour que l'affaire revienne au centre du débat. En 1972, le même Georges Habache va commettre une erreur fantastique. Il va faire un détournement d'avion avec des avions américains qui vont se poser en territoire jordanien, et par-dessus la tête du roi de Jordanie, il va commencer à négocier. Ben, ce qu'il va avoir, c'est le fameux septembre noir. Tous les Palestiniens vont être, en tout cas, en armes, soit liquidés, soit devront quitter le territoire. Et au fond, les Palestiniens vont perdre leur base de masse, puisque les deux tiers de la population de la Jordanie sont des Palestiniens. À partir de là, bon, ben, ils vont perdre leur temps dans l'affaire libanaise entre soi-disant islamo-progressistes et puis fascistes chrétiens, entre guillemets, également. Alors, là, il y a une particularité pour cette action-là, c'est que cette fois, alors, donc la prise d'otage, en tout cas l'opération se fait sur un sol étranger, elle se fait en Ouganda, et là, elle est soutenue par le chef d'État ougandais de l'époque, hein, un personnage tout à fait infréquentable. Oui. Qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? C'est quoi cette façon de faire, pourquoi se met-il ouvertement dans le camp des terroristes? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je ne peux pas vous répondre avec certitude quel a été le calcul de M. Amin Dada. Est-ce qu'il estimait qu'il augmentait son prestige auprès de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde? C'était un mégalomane, il ne faut pas l'oublier. Donc tout ce qui pouvait augmenter son prestige, si l'affaire s'était passée de façon différente, aurait été bienvenu. Compte tenu de sa façon de percevoir sa propre personnalité, bon, dans la pratique, il a perdu. Finalement, il s'est ridiculisé dans cette affaire et ça a été certainement un coup très dur pour lui. Alors, deux perdants, effectivement, Amin Dada et puis le FPLP. Alors, on va parler un peu du FPLP. On va écouter une archive ensemble, si vous voulez bien. L'OLP, donc l'Organisation de Libération de la Palestine, organisme dirigé par Yasser Arafat et pointé du doigt en France, mais son représentant à Paris, à l'époque, il s'appelait Ezzedine Kalak, désavoue, lui, vous allez l'entendre dans cette archive, cette prise d'otage organisée par le FPLP. Le détournement de l'avion a été désavoué par l'OLP. Il a pourtant été revendiqué par le FPLP. Alors comment expliquez-vous cette contradiction? À ma connaissance, le secrétaire général du FPLP, Georges Habash, a deux fois nié la participation du FPLP à cette opération. Il se peut qu'il y ait des éléments palestiniens dans cette affaire, mais ce qui importe, nous sommes contre de telles opérations. Nous sommes contre ces détournements d'avions, qu'ils soient d'avions français ou autres, parce que l'OLP entend développer la lutte du peuple palestinien à l'intérieur de sa patrie occupée. Alors à l'époque, on comprend que ce soit difficile à lire tout cela. Hein. Il y a l'OLP d'un côté, il y a le FPLP, j'allais dire, presque d'un autre côté. Que pèse le FPLP? Quels sont ses desseins par rapport à ceux de l'OLP? Il faut d'abord dire que le mouvement palestinien, le mouvement national palestinien, dès le début, est un mouvement divisé. Il y a l'OLP, représenté par Yasser Arafat, de très loin le plus populaire. Il y a le Front populaire de libération de la Palestine de Georges Habash, qui était un gauchiste à l'époque. Il y a le plus à gauche que lui, Naïef Awatmé, avec le Front démocratique populaire, etc. Il y a la Saïka, qui dépend de la Syrie. Il y a un front arabe qui dépend de Saddam Hussein. Il y a les Égyptiens ont également leurs hommes. En d'autres termes, jamais le mouvement palestinien n'a été véritablement totalement autonome. Il comptait beaucoup sur l'aide du monde arabe. Et quant aux gauchistes palestiniens, ils espéraient devenir le fer de lance d'une gauche révolutionnaire à l'intérieur du Moyen-Orient, et ils étaient opposés à l'ensemble des régimes. Bon, à partir de là, chacun jouait sa partition pour lui-même, et il fallait rejeter sur l'autre soit l'inaction, soit les erreurs commises, si ces erreurs se soldaient par un échec. Donc l'OLP, dans les années 70, a également pratiqué des actions d'un caractère illégal. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a fallu attendre 1987, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir un véritable mouvement à l'intérieur même de la Palestine occupée, ou de la Cisjordanie, appelez ça comme vous voudrez. Et dans la pratique, entre-temps, l'état-major de l'OLP s'est retrouvé, une fois chassé du Liban, à Tunis. C'est-à-dire que l'ensemble de la de l'avancée politique a été, sur le terrain proprement dit, très faible. Ça montre que, une fois de plus, s'il en est, que le terrorisme est une impasse. Ça permet d'être connu, ça permet de rappeler au monde qu'on existe, parce que si vous vous contentez d'envoyer des mémos à l'organisation des Nations Unies, on va les mettre dans un tiroir. Donc c'est une façon de dire nous existons, nous exerçons une pression, nous comptons et nous obligeons le gouvernement en face de répondre comme il le peut. Alors, ce problème a créé aussi une tension en France, parce que rappelons que l'avion était français, hein, qu'il y avait des passagers français, et que donc Paris était concerné au premier chef, et Paris a été quand même pris de vitesse avec cette histoire de raid sur Entebbe. Je vois pas comment il aurait pu en être autrement. Cette opération n'avait de sens que si c'était le silence absolu, la discrétion la plus grande, et en fin de compte, en fonction d'un effet de surprise le plus total possible. Il n'y a pas besoin de commencer à informer des alliés dans la mesure où une fuite est toujours possible. N'empêche qu'il y a eu un débat politique en France. D'ailleurs, on va écouter une deuxième et dernière archive autour de l'idée « La force était-elle la meilleure solution ?» Alors, on va écouter l'avis de celui qui était alors député de la 3e circonscription de la Nièvre, François Mitterrand. Alors, on le diffuse souvent parce que, quand on est dans les années 70, c'est le chef de l'opposition. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on diffuse aussi souvent sa voix. Nous l'écoutons. Y a-t-il une méthode pour réagir à de tels événements? Y a-t-il finalement une méthode socialiste lorsque une pareille affaire arrive? Pourquoi me posez-vous ce genre de questions? Je vois bien pour me mettre dans l'embarras. Non, Laissez-moi vous répondre. Comment réagir? Laissez-moi vous répondre. Tout homme de cœur, et il en est partout, se trouve pris dans cette contradiction. Faut-il une fermeté rigoureuse à l'égard des terroristes et refuser tout contact afin de mettre un terme par ce refus à l'envie ou à la contagion que l'on pourrait avoir ici et là de recommencer de tels attentats? Ou faut-il, pour sauver les vies humaines dans l'immédiat, ou faut-il négocier? Personne ne peut répondre à cette question en termes décisifs. C'est un problème de situation. La preuve, c'est que le gouvernement d'Israël, qui jusqu'alors a adopté une politique d'absolue fermeté en refusant toute négociation dans les attentats ou les agressions précédentes, accepte cette fois-ci de considérer le sort de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants qui se trouvent aujourd'hui à Kampala. Alors, il n'y a pas de réponse globale. Et vous êtes plutôt partisan de la fermeté ou de la négociation dans ces occasions? Je pense que la société civilisée ne s'en tirera pas sans une très grande fermeté. 40 ans après, cette question et d'actualité, elle est pertinente. Fermeté, comment répondre au terrorisme? La réponse, c'est pour l'instant, on ne sait pas. Si on savait, on ne vivrait pas la manière qu'on vit en ce moment. Mais voilà, la résonance est forte. En ce qui concerne les Israéliens qui estiment qu'ils sont véritablement dans un conflit, ils refusent de négocier et raisonnablement, c'est cohérent. Je veux dire que lorsque Mme Golda Meir avec les Jeux Olympiques, on lui dit, voilà, nous demandons la libération de 200 de nos camarades qui sont dans les prisons israéliennes. Est-ce qu'elle peut, honnêtement, céder? N'importe quel gouvernement digne de ce nom ne peut pas consentir sur la pression d'un groupe qui vient de s'emparer de la situation de façon illégale, accepter de délivrer 200 personnes. Alors le coup d'après, qu'est-ce qu'il faudra lâcher? Ça n'a aucun sens. Quand on est véritablement le dos au mur, on ne peut pas négocier. Maintenant, pour d'autres États pour lesquels finalement, bon, on se dit après tout, on va payer, on va sauver des vies humaines, on va s'écraser en quelque sorte. Bon, ça a été pratiqué pour tous ceux qui estiment que nous ne sommes pas le dos au mur. Mais pour les Israéliens, c'est le cas, je veux dire qu'ils ont eu parfaitement raison d'être très fermes. Et si nous avions été à leur place, nous aurions fait pareil. Et si l'OLP avait été à la place d'Israël, ils auraient fait pareil. Bon, ben c'est clair. Alors, un autre ressort historique du terrorisme, ce sont finalement ces terroristes que l'Occident fabrique, hein, qui se retournent contre eux. On peut prendre l'exemple emblématique d'Al-Qaïda. C'est quand même en partie une création américaine pour soutenir les Moudjahidines contre les Soviétiques qui avaient envahi l'Afghanistan. Daesh est une création d'un acte de guerre irréfléchi en Irak de la part des Américains et de leurs alliés. On retrouve la même chose finalement, enfin avec un peu moins d'acuité, mais on retrouve un peu la même chose avec Emin Dada en Afrique, les Israéliens qui l'aiment, et puis finalement ils se retournent contre lui. Quand va-t-on cesser de fabriquer ceux qui retournent les armes contre nous? Vous êtes d'accord que c'est quand même un lien historique qu'on retrouve, qui est frappant? Oui, on retrouve ça. Ceci dit, en ce qui concerne la guerre d'Afghanistan, bon, pour les Américains, ça a été une merveilleuse occasion de rendre à l'Union soviétique la monnaie de sa pièce, qui avait fortement aidé ses adversaires au Vietnam, et qui ont effectivement mis les Américains dans l'embarras, parce que la guerre du Vietnam, c'est une guerre perdue. Il faut ajouter aussi qu'ils ne sont pas le seul terreau sur lequel a commencé à pousser ce qu'on appelle aujourd'hui le djihadisme. Il ne faut pas oublier le rôle essentiel que n'a pas cessé et continue de jouer l'Arabie Saoudite depuis au moins la première crise pétrolière de 73-74 qui a permis à l'Arabie Saoudite de quadrupler les fonds dont il disposait pour de l'Afrique noire jusqu'à l'Indonésie, envoyer des prêcheurs dans des médressas qu'ils ont construites et à semer le terreau sur lequel a poussé, en fin de compte, ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que nos soi-disant alliés n'ont pas le même agenda que nous. Alors, ils ont été très utiles, les Saoudiens, tant que l'Union soviétique existait, parce que ça faisait une sorte de barrage à ce qu'on appelait le marxisme-léninisme. Mais depuis que l'Union soviétique s'est effondrée, depuis en plus que, particulièrement depuis 2011, où il y a un sentiment que quelque chose est en train de changer, etc., etc., bon, ils continuent de plus belle, en même temps que les frères musulmans, mais de façon moindre, à souffler sur les braises partout. Maintenant soutenu avec M. Recep Tayyip Erdogan, qui n'a pas cessé de devenir de plus en plus militant en tant que musulman sunnite. J'avais envie de vous poser une question un peu large. Hein. Vous, le spécialiste de la géopolitique, est-ce que nous vivons dans un monde plus dangereux que le monde d'avant novembre 89? Nous vivons dans un monde plus compliqué. Pourquoi? Parce que finalement, pendant la guerre froide, ça semblait un monde simple. Il y avait l'URSS et ses clients, il y avait les États-Unis et ses alliés. Bon, il suffisait de savoir de quel côté on se situe. Aujourd'hui, que tout ça a éclaté, il faut des gens qui connaissent qu'est-ce que c'est que la géopolitique et les intérêts de la Chine, qu'est-ce que veut M. Modi en Inde, que veut la Turquie de M. Erdogan. Enfin, ça demande une culture. Et cette culture, très franchement, je veux dire, elle est mal dispensée. Nous sommes dirigés par des gens qui sont très experts sur la façon dont il faut se comporter à Washington, à Paris ou ailleurs. Mais des spécialistes qui ont connu ça. Regardez un bonhomme comme Churchill, vous lisez les mémoires du type, il se retrouve à Khartoum, il se retrouve au Cap, il se retrouve au Moyen-Orient, il est partout. Ce monde ne lui est pas étranger. De Gaulle, même chose, le Moyen-Orient, il connaît. Mmh. Aujourd'hui, ces types sont même pas sortis de France, sinon pour faire une petite visite à gauche et à droite. C'est des cracks de la bureaucratie de leur pays, mais en fin de compte, voilà. Et puis en plus, ils dépendent essentiellement non pas de décisions qu'ils prennent, mais de ce que les médias font comme, vente d'angoisse auprès d'un public vulnérable, et ils répondent à la vulnérabilité de ce public comme ils peuvent. Bien, merci Gérard Chaillon, ce sera le mot de la fin. Je rappelle le titre de votre dernier livre. On a envie d'avoir la réponse d'ailleurs, donc envie de le lire, parce que le titre nous interpelle. Pardon. Pourquoi perd-on la guerre, hein? C'était ouais. Publié au mois de mars. Merci. Au revoir monsieur. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le RAID sur Antebé, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.